Voici le plan d'aujourd'hui pour Assemblage requis. Elephantine vient nous parler de leur album Le Bonheur en 3D. Dans la chronique technologique, CNX ont fait le tour du net. Et Simon Fitzbé nous présente sa chronique sur les mythes du rock. C'est Assemblage tout de suite! Et bonjour et bienvenue à Assemblage requis avec Kiwan et Mathieu. Ben moi c'est Mathieu Plante en passant. Salut Matt, moi c'est Kiwan. Salut Ki. Kiwan. Vous êtes avec nous, Kiwan et Mathieu, jusqu'à 17h et on a tellement une émission chargée aujourd'hui, j'en crois pas mes oreilles. Ben oui, comme on le disait tout à l'heure en introduction, on va avoir la visite en fait par téléphone de Julien du groupe Elephantine qui vient nous parler de leur nouvel album Le Bonheur en 3D. C'est une petite entrevue en fait qu'on a réalisée hier puis on vous la présente aujourd'hui. Ça va être très bon vers les 16h ça. Oui, vers 16h. Et on a aussi une chronique super intéressante, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Simon Fitzbé vient nous parler des mythes du rock'n'roll, c'est des choses qui se sont présumément ou selon les rumeurs déroulées dans l'histoire du rock'n'roll. Et il essaie de démystifier ça, enlever le vrai du faux, le faux du vrai. Ça va être à tous les mardis, ça. Simon va venir nous parler des différents mythes entourant le rock'n'roll. Et aussi dans l'émission aujourd'hui, on va faire le tour des nouveautés CD, DVD et jeux vidéo. Tout ça dans ce beau petit 2 heures d'assemblage requis. Avec Kiwan et Mathieu. Mais pour l'instant, on commence en musique parce qu'on aime la musique diversifiée ici, assez fou. Hein? Ouais, on va écouter My Morning Jacket pour commencer ça avec la pièce Touch Me, I'm Going to Scream. Ah, ben avec plaisir. Ouh, ça va être chaud. My Morning Jacket, mon manteau matinal. Hein? C'est ça. Il y en a qui mettent une robe de chambre, d'autres c'est un manteau matinal. Vous êtes assez fou, 89 FM. C'est toujours l'émission Assemblage requis en compagnie de Mathieu et Kiwan. On vient d'entendre la pièce de Yann Perrault, la pièce « Beau comme on s'aime ». Et là, on est proche de 15h12 environ, mais tu sais qu'il n'y a pas juste « C'est fou dans la vie ». Il y a d'autres choses. On a de la compétition sur des chaînes de télé. Non, c'est ça. Il y a plusieurs compétiteurs. Puis on sait que parmi ceux-là, il y a la télévision. T'sais, la télévision, en général, c'est un compétiteur de notre émission. Ben, disons que c'est comme la radio, mais avec de l'image aussi. T'sais. Mais à cette heure-là, il n'y a pas tant grand-chose qui passe à la télé. Sauf, évidemment, tout le monde, j'imagine que vous connaissez tous l'existence et l'horaire, surtout, de l'émission Les Feux de l'amour. Ben oui. Donc, nous, on se dit qu'étant donné qu'il y a une grande part des gens dans la vie en général là, qui doivent écouter cette émission-là, puis qui, peut-être à cause de ça, peut-être vu qu'ils sont rivés devant leur écran à écouter Les Feux de l'amour, peut-être qu'ils peuvent pas nous écouter. Ben, le show peut être difficile entre Assemblage requis et Les Feux de l'amour. On vise pas mal le même public. Hein. Ouais, c'est ça. Peut-être que vous êtes dans votre auto présentement, puis là, vous avez tellement hâte de vous rendre chez vous pour ouvrir la télé puis écouter Les Feux de l'amour, puis là, vous nous entendez à la radio. Mais on a une solution pour vous. Vous n'aurez plus besoin à l'avenir d'écouter Les Feux de l'amour. Ça, aussitôt, hein. C'est quelque chose d'exclusif, ça, là. C'est pas fait nulle part ailleurs, ce qu'on va faire. Là. Ben, je penserais pas. Je penserais pas, mais en tout cas, pour ceux qui suivent plus ou moins ça, moi, je peux vous dire que il se passe pas grand-chose dans ces émissions-là. Tu peux en manquer comme pendant un mois ou deux, puis c'est des quotidiennes. Puis quand tu recommences à l'écouter, ils sont encore à peu près au même point. T'sais, ça se peut qu'il y ait un personnage qui soit mort, ça se peut qu'il y en ait un qui soit ressuscité. Ou c'est peut-être le jumeau identique, mais maléfique de l'autre. Ouais, ou peut-être qu'il y a des couples qui sont défaits, mais tous les personnages sont encore là en couple avec d'autres personnes. T'as des hexagones amoureux là-dedans, mais c'est pas grave ces affaires-là. Donc finalement, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir suivre la série, c'est d'entendre le synopsis de l'émission quotidiennement. Donc c'est ce qu'on vous propose tout de suite finalement. Ben vas-y mon Kiwan, le résumé de l'émission du mardi 1er septembre. Donc aujourd'hui, au feu de l'amour, Victor est persuadé que Nick sera bientôt libéré et que Matt est le grand responsable de son emprisonnement. Sharon promet à Noah que son père pourra célébrer son anniversaire avec lui. Wow. Donc, mettez des images là, dans votre tête sur ces mots-là, puis vous allez avoir pas mal l'émission complète. Donc, tout le monde est gagnant, tout le monde gagne là-dedans. Nous, on gagne parce que vous nous écoutez, puis vous gagnez parce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans l'émission. Pareil. Oui, c'est ça, puis vous sauvez une heure de télévision que vous pourrez enlever, comme ça, vous pourrez écouter un petit peu plus la poule aux œufs d'or, peut-être. C'est ça. Ça fait de la place sur vos belles petites cassettes 8 heures en mode SLP. Ouais, il n'y a pas tant d'heures que ça. Là. Peut-être qu'à un moment donné, on se mettra des costumes puis on jouera quelques scènes. Ah, peut-être. Ouais, on pourrait le faire à la radio, des petites scènes des Feux de l'amour. Un radio-roman, ça vient de là, les téléromans. Hein. Ça a commencé à la radio, tout ça. Peut-être qu'on se permettra aussi un autre synopsis vers 4 heures pour l'heure pour la fin de l'épisode, à un moment donné. T'as le gros suspense là, puis tout se passe là. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être. Ou sinon, peut-être pas aussi. Ouais, peut-être qu'on le fera pas tous les jours non plus. Peut-être que oui, on sait pas. Peut-être que ça va être redondant si on le fait. Mais peut-être qu'on aime ça être redondant, nous. Mais aussi, si vous voulez nous laisser vos commentaires sur l'émission, vos suggestions ou vos peu importe. Vos plaintes. Questions, vos plaintes. Ben n'importe oui. Quoi. www.assemblagerequis.com. Et voilà. Allez-y, un beau petit formulaire de contact. Voilà. Super simple. C'est assemblagerequis.com. Vous voilà diverti pour un autre bon moment. Alors, on peut aller en musique, puis vous allez être encore sur votre high d'émotion que vous venez de vivre avec le résumé des Feux de l'amour. Dans le prochain bloc, il va y avoir, entre autres, de la bonne musique. Je dis ça en général. Ouais, mais plus particulièrement, je dirais qu'il va y avoir la pièce d'Orval du groupe On a créé un monstre. Oui, we create a monster. C'est assez fou, 89.5. J'en s'embarrasser comme un timbre qui s'apprête à être transporté. Toi, tu t'accroches au bout de mes lèvres. Et si je savais dire les bons mots au bon moment, il est temps pour à l'intérieur. instant. Autant pas je te hais, autant pas je te plains. Un avion décolle et emporte mon cœur. Autant pas je te hais, autant pas je te plains. Un avion décolle et emporte mon cœur. Les battements de moteur à l'intérieur de mon corps. Assemblage requis jusqu'à 17h. Chroméo avec leur pièce Fancy Footwork à Assemblage Requis. Oui, Chromio qui vont faire partie du festival Envol et Macadam à Québec. C'est du 10 au 12 septembre, c'est la semaine prochaine. Vraiment une programmation super variée. C'est principalement punk rock à la programmation, mais il y a vraiment de tout. Il y a du hip-hop, il y a de l'électro, il y a du pop. Il y a vraiment, c'est très varié. Oui, c'est cool. Et si vous voulez en apprendre plus sur Envol et Macadam, non seulement il y a leur site web... le www.envolemacadam.com. Mais en plus, l'émission du midi, le Dîner de con avec Danny Janvier et André Baudet, présentée par Envolé Macadam pour l'instant. Donc, écoutez ça, puis vous allez avoir plus d'informations tous les midis. C'est beau, voilà. Hein? Voilà. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission du retour, diffusée du lundi au jeudi de 15h à 17h. En ce moment, là, j'ai besoin de vous dire que vous écoutez en ce moment la case horaire du retour. Là. C'est là, là. On est de retour, tu sais. De peu importe où vous étiez. Et maintenant, ben, comme à tous les jours, vers les 15h20, c'est l'heure de la chronique technologique CNX. Et aujourd'hui, dans la chronique CNX, on fait le tour du net. On regarde un petit peu ce qui se passe un petit peu partout, comme ça, sur les interwebs, sur les toiles technologiques. Quand, Kéwan? Oui. L'Internet, tu connais? Je connais un petit peu ça. Ah. C'est l'affaire de l'armée, ça, là. Ouais, exactement, Al Gore, peut-être le kit. On commence par un signet que j'ai vu sur boingboing.net. Ça parle d'une carte pour réparer un ordinateur. Donc, tu cliques sur Computer Repair Flowchart sur assemblagerequis.com. Et puis là, ben, là-dedans, il y a comme un gros tableau. C'est comme un poster que tu peux faire imprimer. Et puis là, ben, ça va réussir à résoudre tes problèmes d'informatique. Par exemple, tu cherches sur un des carrés ou un des diamants. Est-ce que le PC voit les autres ordinateurs du réseau? Là, tu as des flèches, non et oui. Le non pointe vers une autre question qui pointe vers un oui, un non, un oui, un non. Et puis là, ben, tu vas pouvoir résoudre tes problèmes par cette carte-là. Wow. C'est bon, hein? Moi, j'aime bien. Allez voir le lien, comme toujours, sur assemblagerequis.com. Un autre site que j'ai bien aimé cette semaine, c'est channel.tv/haterslovers. C'est un jeu où on doit deviner. Premièrement, on montre des New-Yorkais, des vrais New-Yorkais de tous les jours. Comme ça, on montre ce qu'ils aiment et ce qu'ils détestent. Donc, c'est un quiz. On voit des photos sur l'écran. Différentes personnes, différents âges, sexes, etc. Et puis, tu dois deviner, tu demandes la question, qui déteste leur vie, par exemple. Puis là, ben, tu cliques et puis ça te donne le vidéo de sa réponse, puis tu vois si t'as raison, si t'as tort. C'est des vraies personnes, là. C'est pas des comédiens, c'est pas monté, c'est... Exactement, c'est des vraies personnes, et puis ils s'empêchent pas de sacrer là-dedans, donc okay. C'est pour oreille attentive, c'est en anglais, c'est Haters and Lovers. Il faut vraiment se baser sur les préjugés, finalement. Faut deviner à la simple apparence des gens qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie. Exactement, ça me fait penser au nouveau quiz de V, là, devine combien je gagne, où tu dois deviner combien la personne gagne en regardant sa face, tu sais, puis en posant des questions, c'est vrai? Je savais pas que ça existait. Ça va être drôle, ça commence bien. Je sais qu'il y a la guerre des clans, par contre, qui est commencé à VTL, mais bon. Ouais, c'est aussi songé, ça, comme quiz. C'est très, très intelligent. Prochain blog. Et là, ça, c'est vraiment le phone, comme on appelle. Don't Judge My Hair, qui est au don'tjudgemyhair.com. C'est un blog chronologiquement placé, là, tu sais, en ordre de date. Et puis, c'est des gens qui ont une drôle de coiffure. Par exemple, bon, la première fille ici, elle a les cheveux orange, bleu, vert, dans les airs, en genre de gros pic, on va dire un balai. L'autre, il s'est fait tatouer des morceaux de Tetris. Ça fait le tour d'Internet cette semaine, un gars qui a des morceaux de Tetris de rasé sur le côté de la tête et même coloré, là. C'est quand même cool. Plein de trucs comme ça, des zigzags dans leurs cheveux. L'autre, c'est un arc-en-ciel. L'autre, il a les cheveux complètement verts, mais tu sais, c'est un genre de bonhomme de la cinquantaine. C'est un peu bizarre. C'est pour rire des gens, finalement. OK, c'est juste ça. Super sympathique. Beaucoup de respect. Je pensais qu'il y avait un but, quelque chose, mais non. Non, non. J'aime les sites qui n'ont pas de but. Ça passe du temps, des fois. prochain gars, c'est sur thenextweb.com qu'on parle de ça. C'est un amateur de Apple. Il y en a beaucoup. Mais tu sais, lui, il est anonyme. Il est un étudiant de la Géorgie. Un des plus passionnés par rapport à la nouvelle iTablet. Il y a bien des gens qui disent qu'il va y avoir une tablette Apple. C'est comme un iPod Touch, disons, mais en plus grand. C'est comme un portable sans clavier. Okay. C'est comme une tablette sur laquelle tu peux faire des choses, là, ouvrir des images, des courriels, taper sur ton ordinateur, sur ton écran. C'est comme juste un écran avec un ordinateur dedans. Bref, ce gars-là, je sais pas avec quel logiciel, mais avec plein d'applications, il a réussi à faire un genre de composite de quoi il aimerait que ça ait l'air. C'est comme une simulation de comment ça pourrait avoir l'air, cet appareil-là, parce que c'est pas encore sorti, ça n'a même pas encore été dévoilé, rien. Okay. C'est les rumeurs qui disent ça. Mais par exemple, bon, tu le vois que bon, il prend des photos, il étasse avec ses mains sur l'écran, puis il grossit la photo un peu comme sur un iPod. Ça ressemble un peu à la surface que Microsoft avait fait, qui était une table, littéralement une grosse table où tu pouvais, mettons, mettre quelque chose de ton appareil photo dessus, puis là, il détecte ton appareil photo, puis les photos se téléchargent dans la table. C'est un peu le même genre de choses. C'est le futur, tout ça. Allez voir ce que le gars en pense. Et après ça, on va pouvoir savoir si un jour ça va se réaliser, si ça va avoir l'air de ça. Peut-être qu'il va se faire engager chez Apple aussi. Là. Ben, tu vois, avec des talents comme ça, ça serait pas surprenant. Puis ça on l'encourage. Pourrait, ouais. C'est vraiment quelqu'un de talentueux en logiciel. Sinon, quelqu'un d'un petit peu moins talentueux, c'est la première personne à avoir posté une vidéo sur YouTube. Hein? Ça n'existe pas depuis si longtemps que ça, YouTube, à s'y méprendre, tu sais. seulement depuis 2005. Le premier vidéo a été envoyé le 23 avril et encore aujourd'hui, on peut le voir en passant par l'article sur assemblagerequis.com. C'est « The first video uploaded to YouTube » et c'est un gars qui est au zoo. C'est « Moi au zoo » le nom du vidéo. T'as. Wow! Ça a été filmé par le fondateur de YouTube, Jawed Karim, au San Diego Zoo. Et fascinant que 5 ans plus tard, ce soit encore là. Sûrement parce qu'il n'y a pas de musique copyright, donc YouTube n'a pas pu aller enlever la vidéo. Continuons avec un article sur WeNintendo.net. Ce gars-là est un fou furieux de la musique. Dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il joue une chanson de Stevie Wonder, Superstition, mais il joue la batterie en temps réel et joue tous les instruments sur Guitar Hero 5 en même temps. Il joue en même temps. Tu vois la vidéo, il joue en même temps. Puis il joue vraiment de la batterie de même, mais en tout cas, on le voit, il faut aller voir la vidéo, là. Mais tu sais, c'est comme, je pense qu'il a fait chaque track séparément, puis en fin de compte, il a comme mixé ça. Ça fait comme si c'était un band, le gars. On le voit se dédoubler quand il joue la basse ou la guitare ou la batterie. Mais la différence avec les autres qui jouent de toutes les parties de Guitar Hero, c'est que lui, il fait la vraie batterie, ça, en arrière. Okay. C'est cool. Mais c'est une nouvelle version des hommes orchestres. Ouais, ben il manque les cymbales après les genoux. Ouais, c'est ça. Tout le monde aime ça, avoir des cymbales entre les genoux. Hein? Puis un harmonica autour du cou, c'est un classique. Là. Ah, ça! Puis un gazou. Ouais. Moi, en tout cas, c'est ce qui manque, le gazou. Continuons rapidement. Avec 8 lignes de code plus un lecteur CD-ROM, ça donne une bassinette branlante ou chavirante. Dans le fond, ce que le gars a fait, c'est qu'il écrit un script. Bon, je vous épargne les détails. Mais qui fait ouvrir et fermer son lecteur CD de son ordinateur. Et là, il a attaché une ficelle qui mène vers le carrosse de son bébé. C'est genre une petite affaire que tu traînes ton bébé. Puis ça fait balancer en ouvrant et fermant le lecteur CD. Allez voir la vidéo, c'est trop cool. Ça fonctionne sur Linux. Une parodie qui s'appelle Game Over par PES. C'est, dans le fond, je sais pas si vous saviez, premièrement, petit fait intéressant, le personnage de Pac-Man, il y a peu de gens qui savent ça, mais c'était modelé sur une vraie pointe de pizza, sur une pizza qui manque une pointe. Okay? Ah ouais? Ben, l'idée du dessin animé vient de là, et puis là, on monte plein d'affaires sans dévoiler de punch, là, mais il y a Frogger, il y a plein d'autres jeux. Ce dessin animé, je pense que c'est fait avec de la pâte à modeler ou des vraies affaires, donc c'est super cute. Le fantôme, c'est genre joué par un... Je sais pas si c'est une tuque avec des œufs sur la face. Ça. C'est fun. Sur le blog Kotaku.com, on montre Mario et ses champignons et ses amis, mais créés en caisse de Pepsi. Donc, c'est des gars dans un entrepôt. Là. C'est pas une vraie pub pour Nintendo. Là. Les gars sont allés dans l'entrepôt de liqueurs, puis ils ont empilé les cannes de Pepsi, disons, c'est bleu pour faire le bleu, puis du Dr. Pepper pour faire les rouges. Puis ça donne une grande image quand tu la regardes de loin de Mario. C'est un peu comme l'émission là, Radio-Canada avec un gars qui faisait des dessins en couverte là, sur le sol. C'était Art Attack. Kiwan, wow. Ben oui, Art Attack, c'est vrai. Non, c'est Soap Opera. C'est un peu le même principe là, avec, oui. Avec les bouteilles de Pepsi. Là. Et c'est toujours aussi impressionnant, mais t'as pas l'animateur fatiguant d'Art Attack. Hein? Bon, il était sympathique, arrête. C'est sympathique, mais il en beurrait épais, mettons. Puis je pense que je vais finir avec cela. Je commence à prendre du temps pas mal. Un site web, OK? Ça, c'est sur... en fait, l'adresse va être sur assemblagerequis.com, mais ça choisit 3 images dans un film et ça les affiche en boucle. Donc, ça a l'air d'être en 3D. C'est comme 3 images qui sont prises de la même scène à différents moments, mais à une seconde près. Puis là, ça les fait aller comme un gif animé. Donc, t'as l'impression que le film est en 3D. C'est super impressionnant. Allez cliquer sur le lien, puis vous allez voir. T'as l'impression qu'il y a une profondeur à l'image. Puis mon mouvement à la radio est vraiment très explicatif aussi. Hein? Ouais, ben même ouais. Moi, je vois ton mouvement, puis je comprends pas trop, mais je vais aller voir, je pense. T'es revoir ça, puis t'es revoir aussi des chats qui, avec de l'autotune, comme dans la musique de Kanye West ou de Cher. Tu sais, quand que les notes sont comme pré-ajustées pour aller au bon endroit, puis ça fait des genres de... Ben, avec des chats. Fait qu'aller voir ça. C'est sur assemblagerequis.com, tous les liens sont là. Et c'est un bon moment de plaisir, vous allez passer un bon moment là-dessus. Ouais, parfait, on va aller voir ça. Allez-y tout de suite. Et puis, en même temps, ben soyez là demain vers les 15h20 pour une autre chronique CNX. Et je vous rappelle que toutes les chroniques CNX à Assemblage Requis sont rassemblées, regroupées dans un seul fichier qui s'appelle cnx.zip les lundis à 10h. Sur les ondes, c'est fou, ça. Évidemment, nulle part ailleurs. Ouais. Dans le prochain bloc, on va entendre la formation New Pornographers. Mais avant ça... On écoute le nombre avec la pièce. Des zombies et des fleurs. C'est à Assemblage Requis. Au 89.1 FM, c'est fou. Des chats qui chantent, variation de voix. C'est... Il peut obéir et tuer sans devenir fou, monsieur l'aéroporté. Ce qui lui passe par les mains finit dans un trou à se décomposer. Bang dans la tête, bang bang dans la tête. écoutez Kiwan et Mathieu, Assemblage requis. 89,1 FM, la radio autrement. Sur le net, ou cfou.ca. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Under your wheels, the hope of spring. Mirage of loss, a few more things. You left your sorrow dangling. It hangs in air like a school cheer. Bump like notes inside the chords. On every wall, inflections carved. Deep as lakes and dark as stars. Remember, we were the volunteers. Knew this and nothing more. Ooh. Now it's my rights versus yours. Under your wheels, your hopeless reign. You fought too hard, we're up too late. We had suspended from the heights until it's safer to walk here. Chances with the easy call, the call I've searched, the medicine, it still won't work, but there's dangerous levels of it. The chances hell gave me to save me from myself. Spectacles painted with my shaking hand. Fingers and paints we brought. Thinking we'd need them when we're not. Flying the flags of new empires and rights. A new empire and rights. The truth's in one. A new empire in rags. The truth in one free afternoon. A new empire in rags. The truth in one free afternoon. A new empire in rags. The truth in one free afternoon. Under your wheels it fits and starts. The time to dabble in. To tease the packs of dogs in charge. But kid, it's always been on me. Under your wheels, the hope of spring. Mirage of loss, a few more things. The medicine, it still won't sing. But there's dangerous levels of it. Les très sexy New Pornographers et la pièce My Rights vs. Yours, c'est tiré des bons vieux palmarès de Dans le temps. On appelle, c'était du côté anglophone, évidemment, c'est en anglais. Ouais, puis juste un peu avant la pub, on avait entendu d'autres choses qui étaient dans les palmarès, mais il n'y a pas si longtemps que ça. C'est extrait du nouvel album du groupe Le Nombre et la pièce, ça c'était des zombies et des fleurs. Alors, ils ont une nouvelle pièce dans le palmarès en ce moment. Vous pouvez écouter les palmarès, c'est fou, avec Kiwan et moi. C'est les vendredis soirs à 17h. Voilà qui est dit. Tantôt, Kiwan, tu nous prépares quelque chose sur de nouveaux artistes, des choses que tu as découvert. Pas de nouveaux artistes nécessairement, de nouveaux CD. Oui, ben en fait, le mardi, c'est toujours la journée des sorties CD, et puis il y en a vraiment plein, mais pas toutes des choses qui nous intéressent, pas toutes des choses qui fitent vraiment avec C'est fou ici. Whitney Houston, on n'entendra peut-être pas ça ici. Non, je penserais pas. Ben, quoi que ça pourrait être drôle, mais ouais. Non, j'en ai choisi deux. Je vais en choisir pas plus que deux par semaine. On va écouter quelques pièces de ces albums-là, on en parlait un peu. Puis c'est ça, donc j'en ai sorti deux là, pour tout à l'heure. En fait, le nouvel album de Vincent Vallière, j'en ai parlé un peu hier, on a même fait passer une pièce hier. Oui. Je vous en parle un petit peu plus en détail tantôt. Puis aussi, un nouvel album de Data Rock. Ah ça, j'ai super hâte d'entendre ça, par exemple. Donc, c'est dans quelques minutes, Mathieu, manque pas ça. Oh, je vais essayer d'être là, tu sais, va faire mon possible. Dans le prochain bloc musical, il va y avoir les Darling de Maze ou de Mahaze ou de Mise. Denise. Tout de suite, on va aller écouter Major avec la pièce Ping Pong. Vous êtes à Assemblage Requis avec Kiwan et Mathieu. Au 89.1 FM. Changer de ville, changer les choses, pour se perdre dans les mêmes histoires qu'on se raconte. On se brasse de bord puis de l'autre, toujours à rejeter la faute. Une balle de ping-pong, une balle de ping-pong. On a beau faire le tour du monde, changer de ville, changer les choses, pour le super dans les mêmes histoires qu'on se raconte. like we can't even stop. We've gotta dance like we can't even stop. I wanna close my eyes and grab your arms and wrap them around my waist and hit the floor. Darling Demise avec la pièce Young Mothers, c'est extrait de leur EP qui date de 2007 déjà, puis je pense qu'il y a un nouvel album bientôt. Il est sorti récemment, en tout cas, je sais qu'il y avait des spectacles là, récemment de Darling Demise, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe avec eux. Je sais qu'il y a eu un petit peu d'action dans leur vie. C'est un très bon groupe, c'est un groupe de Montréal. Cool. Toujours à venir plus tard dans l'émission Assemblage requis jusqu'à 17h. Il va y avoir entre autres la chronique Paul is Dead de Simon Fitzbé qui s'en vient sur les mythes du rock'n'roll. On va aussi avoir Éléphantine en entrevue. Ouais, ça c'est aux alentours de 16h. Et puis on va aussi faire les sorties jeux vidéo, films et tout. Et puis Kiwan va nous parler de quelques nouveautés aussi, bientôt. Ouais, c'est dans quelques minutes. Pour l'instant, on va aller écouter Bonjour Brumaire. On en a joué hier, mais on n'a pas parlé de... Ben, en fait, c'est une nouvelle qui est sortie hier. C'est une nouvelle qui est sortie sur le forum indiequebec.com. Je sais pas si tu connais ce forum-là. C'est vraiment une très bonne source de nouvelles pour les gens qui se tiennent au courant de la musique indie rock québécoise. Et puis, c'est ça, il y aurait une nouvelle pièce de Bonjour Brumaire qui aurait été fait un genre de démo. Puis, donc, c'est ça, il y avait des rumeurs qui couraient à l'endroit qu'il y aurait un nouvel album bientôt de Bonjour Brumaire. Et puis, le groupe ont confirmé que vraiment, ils travaillaient sur un nouvel album. Il y a si vous allez sur YouTube, en fait, vous pouvez faire une petite recherche. Bonjour Brumaire, Faute de Grieve. C'est une nouvelle pièce. Donc, il y a un genre de petite vidéo qui a été tournée pour cette pièce-là. Vous pourrez voir ça, une nouvelle pièce de Bonjour Brumaire. Et puis, le groupe ont vraiment confirmé là, qu'ils travaillaient sur un album. Pas de date de sortie bientôt. Pas de date d'annoncer, mais ce serait pour bientôt, là, un nouvel album de Bonjour Brumaire. C'est fou comment je m'en allais dire. Tu sais, qu'il me semble que c'est rapide. Ils viennent juste de sortir l'autre album. Mais tu sais, c'est même en musique, d'habitude, c'est supposé sortir rapidement. C'est. Oui, mais en fait, on a l'impression qu'il est tout récent parce qu'on le joue encore souvent et on l'écoute, mais il date de 2007, hein, le premier album de Bonjour Brumaire, quand même. Quand même, ça paraît pas. Bon, ben voici la pièce Argelès, alors. Hein? Voilà. Assemblage requis. Ah, c'est fou. 89 ans. FM. Ben, OK. s'éteigne sans hâte, nos cœurs qui battent. Dears et Ticket to Immortality de leur album Gang of Losers à Assemblage Requis. Oui, et maintenant, enfin, ça fait 20 minutes qu'on en parle, là, mais oui, ouais. Je vous parle des deux sorties d'albums qui ont le plus retenu mon attention aujourd'hui. En fait, il y en a un dont j'ai parlé hier. On a même passé la pièce titre hier de l'album Le Monde Tourne Fort de Vincent Vallière. C'est l'album qui est disponible en magasin aujourd'hui. C'est son cinquième album à Vincent Vallière. Moi, Vincent Vallière, je l'aime depuis l'album Chacun dans son espace, ou à peu près. Même, je te dirais qu'au début, le premier album, je l'aimais vraiment pas. J'ai tellement parlé, en fait, contre Vincent Vallière quand il est sorti le premier album. Je détestais, vraiment, je détestais Vincent Vallière. Puis c'est un de mes artistes préférés aujourd'hui. Comment est-ce que ça a changé? Est-ce que je peux te demander, est-ce que c'est le changement de son entre deux albums ou c'est toi qui as maturé? Non, il y a vraiment quelque chose de bien précis qui est arrivé. Puis même, de toute façon, même Vincent Vallière, là, je l'ai déjà entendu dans une entrevue dire qu'il aimait pas lui non plus son premier album. Là, puis si c'était à refaire, il le referait pas. T'sais. Oh! Mais c'est ça, il est arrivé quelque chose de bien précis, c'est qu'il a commencé à faire produire et réaliser, arranger même ses albums par Éric Goulet, que tu connais peut-être, qui est le chanteur du groupe Les Chiens, qui est aussi Monsieur Mono. Ah. Puis moi, j'adore Éric Goulet, puis la musique, surtout tout l'enrobage, les arrangements, la production des albums de Vincent Vallière ont vraiment changé à partir de ce moment-là. C'est là que j'ai commencé à l'aimer beaucoup. Et puis c'est le premier album là, qu'il fait, ça faisait trois qu'il faisait avec Éric Goulet, et celui-là, Le Monde Tourne Fort, c'est le premier qu'il fait sans Éric Goulet. Donc, je me demandais un peu si ça paraîtrait, si je serais déçu, si ça changerait le son. Et finalement, vraiment pas. C'est Olivier Langevin, que tu connais peut-être aussi, Olivier Langevin, qui travaille avec plein de monde au Québec, avec Marat Tremblay, avec Fred Fortin, mon oncle Serge. Il y a son groupe aussi, Galaxy 500. Ah, ben oui. Voilà. 500, c'est super bon, ça. Oui, c'est super bon. Donc, c'est lui qui a produit et qui a co-réalisé l'album. Puis vraiment, c'est très, très, très fidèle au son de Vincent Vallière. Puis ça m'a fait finalement réaliser qu'il n'y avait pas tant de substance dans la musique de Vincent Vallière. C'est pas trop lourd, c'est pas chargé. C'est quand même assez simple, assez pur, parce que dans le fond, il peut changer de producteur puis d'arrangeur pour son album. Puis ça paraît pas, c'est vraiment parce que c'est ce qui paraît le plus dans sa musique, c'est ses compositions. Donc c'est pas nécessairement de la faute du premier gars, du premier CD que tu t'as foiré. C'était peut-être Vincent. Non, mais en tout cas, ça coïncide avec l'arrivée d'Éric Goulet, mais quand même, là, vraiment, les compositions de Vincent Vallière prennent toute la place dans l'album, bien plus que la production puis la réalisation. Puis c'est ça, moi aussi, je trouve sa force à Vincent Vallière, c'est vraiment sa plume, qui n'est pas extraordinaire, là, quand même. C'est pas. Tu sais, ça gagnera pas de prix pour ce. En tout cas. C'est une plume, parce que je veux pas non plus faire passer Vincent Vallière pour un mauvais auteur, vraiment pas, parce qu'en fait, je trouve que c'est un bon auteur, mais il a un style vraiment simple. En fait, il a comme le don de parler du quotidien, de choses bien simples, de façon simple aussi, mais ça nous touche tellement, ça touche tout le monde. Hein, on se reconnaît tous. Mm-hmm. Et puis, je l'entendais aussi en entrevue dire que vraiment, son public est super varié, autant que ça va dans toutes les classes de la société, dans toutes les régions, partout. Plein de monde vraiment différent qui aime la musique de Vincent Vallière. Je pense que c'est vraiment à cause de la proximité de sa plume, à mon avis. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime le plus là-dedans, parce que sinon, le reste, c'est quand même une musique assez simple. C'est toujours assez folk, rock. Cet album-là est vraiment fidèle au son de Vincent Vallière. J'avais l'impression peut-être qu'avec l'arrivée de Olivier Langevin à la réalisation, il y avait un petit côté un petit peu plus rock. Sur quelques pièces, ça paraît un peu, surtout que le dernier album, Le Repart Tranquille, moi, je trouvais qu'il y avait des influences de plus en plus country. On retrouve pas vraiment ça dans cet album-là. On retourne vraiment au bon vieux folk rock. Puis même, des fois, ça rock un peu plus qu'avant, je trouve. Pour vous démontrer, d'ailleurs, le côté un peu plus rock de cet album-là, on va écouter tout de suite la pièce Le temps... Le temps est long. Le temps est long. Donc voilà, c'est une nouvelle pièce de Vincent Vallière. Puis c'est ça, sur celle-là, je trouve que ça rock un petit peu plus. On entend peut-être un petit peu l'influence d'Olivier Langevin dans celle-là. On écoute ça à Assemblage Requis jusqu'à 17h. En attendant vendredi soir, pour punch et puis aller boire. En attendant le livreur qui va être le bleu une heure. En attendant la caissière qui se souvient plus du code. En attendant le beau-frère pour des vacances à Cape Cod. En attendant à l'urgence ou bien à court des petites créances. En attendant l'autobus, en attendant d'avoir des muscles. En attendant d'entrer à fac, en attendant après ton fric. En attendant sur le bord du fax ou en attendant le déclic. Le temps est long, long, long, long, long. En attendant la tempête ou une raison pour faire la fête. En attendant tes enfants qui eux attendent la fête. En attendant après ton café. En attendant d'avoir Le temps est long de Vincent Vallière. Tu vois, cette pièce-là, je trouve qu'elle image vraiment très bien la plume de Vincent Vallière. Tu sais, les phrases sont répétitives, c'est pas très recherché comme parole, mais en même temps, quand t'écoutes le sens, parce qu'il y a quand même un sens à travers tout ça, tu sais, il y a quand même un message qui passe puis qui touche, mais tu sais, même sans être très, très profond. Puis le son, ça ressemble pas mal à l'album, donc c'est représentatif. Ouais, ben celui-là, tu vois, est un petit peu plus rock, là. Et c'est sûr que l'album en général est un petit peu plus folk que ça, un petit peu plus folk rock pop, là, mais il y a quand même quelques touches de rock comme sur cette pièce-là. Les gens qui aiment Vincent Vallière en général devrait aimer celui-là, tu penses? Ouais, je suis sûr que oui. Sûr ça va tourner assez fou, c'est sûr. Ouais, puis tu sais aussi, tantôt, j'ai oublié de dire, là, parce que je disais qu'il faisait plus, en fait, avec ses albums. En tout cas, cet album-là n'est pas fait avec Éric Goulet, mais c'est important de dire qu'ils sont pas en chicane non plus, parce que d'ailleurs, Éric Goulet a co-écrit une pièce sur cet album-là avec Vincent Vallière. C'est juste parce que ça donnait pas avec l'horaire de Monsieur Mono. Ben, Monsieur Mono, hein? Non, c'est rien contre Monsieur Mono, on l'adore lui aussi. Un autre très bon album qui sort aujourd'hui, c'est celui de Data Rock, le groupe électro-rock norvégien que tu connais, toi Mathieu, Data Rock? Oui. Pas très connu quand même ici, mais un très bon groupe. Je trouve que ça ressemble un petit peu à The Bravery. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais. La voix ressemble un peu à The Killers, mais c'est bizarre. Il y a quelques métissages dans leur son. Un mélange de funky, de funk et de new wave avec toujours un petit son électro-rock là, qui est toujours présent. Le mieux, je pense que c'est d'aller écouter une pièce. Bon, la voici tout de suite. C'est la pièce The Pretender. De Data Rock. À Assemblage Rocky. Sur les ondes de C'est fou. Bulletin spécial. Ça ressemble à ça. Vraiment. I'm a European. Data Rock et la pièce The Pretenders. Ouais, très bon. Ouais, ils vont être en tournée nord-américaine parce qu'ils sont norvégiens, mais ils vont être en Amérique du Nord prochainement, en fait, présentement, même peut-être, en tout cas, dans les prochaines semaines. Mais ils ne viennent pas au Québec. Ils viennent à peu près partout. Là. Ils vont passer dans l'Ouest canadien. Ils vont être aussi sur la côte est américaine, New York, Boston, mais pas aucune date d'annoncer pour le Québec. Un jour, espérons-le. Peut-être. Peut-être. Plus tard, dans l'assemblage requis, on va recevoir Simon Fitzbay pour sa nouvelle chronique « Paul is dead ». Aussi, on reçoit Elephantine dans quelques minutes. Ça s'en vient juste là, ça. Mais pour l'instant. Pour l'instant. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. C'est fou 89,1 FM, la radio autrement. Votons sur la deuxième heure d'assemblage requis, l'émission du retour de C'est fou avec Kiwan et Mathieu. Cette deuxième heure est aussi chargée que la première, sinon plus. Oui. Oui, il va y avoir, entre autres, Simon Fitzbay avec sa nouvelle chronique sur les mythes du rock'n'roll. Ça s'appelle « Paul is dead ». C'est dans une dizaine de minutes, mais avant ça... Avant, ça fait longtemps qu'on vous en parle. Et là, c'est vrai, c'est là tout de suite. On a rencontré Julien, le bassiste de la formation Elephantine. Et voici ce que ça a donné. Tout de suite. Le premier album, Sous le règne des lampadaires, a eu beaucoup de succès dans le milieu des radios universitaires et communautaires. Et il y avait pas mal d'attentes pour votre deuxième album, qui est en fait le premier album complet. Cet album-là a été lancé la semaine dernière. Il s'appelle Le Bonheur en 3D. Comment ça s'est passé, le lancement? Le lancement s'est très bien passé. On a eu pas mal de monde. Oui, des connaissances, mais aussi... des intéressés, là, ce qui nous a rendu assez heureux. Excellente réponse là, sur scène. On a trouvé ça vraiment magique. C'était ça augurait bien. Là. Disons qu'on avait hâte que ça soit fait. Et puis, ça s'est super bien passé. Là. Les pièces de l'album sont plus courtes et plus punchées par rapport au premier CD. Est-ce que c'est voulu? Ouais, c'était voulu. C'est que après le EP, on était un peu déjà rendu ailleurs. Tout le côté post-rock, les tunes de 6 minutes, les grandes envolées, un peu à la Sigur Rós. On était un peu tanné de ça. On a décidé de s'en aller vers des compos un peu plus Beatlesque ou Elliott Smithesque, là, disons. Des trucs de 3-4 minutes, des gros refrains, des couplets assumés, tu sais. Changer de formule de composition, puis à la fois aller vers de quoi d'un peu plus accrocheur, tu sais. Faire un peu plus une facture pop, mais tout en restant, tout en gardant un côté complexe. Est-ce que votre changement de son affecte votre façon de performer sur scène? Ah oui, définitivement. Maintenant, sur scène, il faut qu'on... C'est comme... L'énergie doit être différente. Là. Nos grooves sont plus assumés, premièrement. Fait on est plus porté à danser, si tu veux. T'sais, avant, c'était un peu un esprit shoegaze. Là, on regarde nos souliers et puis c'était super aussi. Là, mais c'était un autre état d'esprit. Quoique maintenant, on est en train de... on se pitch partout sur scène. Puis ça nous rend assez heureux. Puis c'est le fun de voir que la réponse est bonne là-dessus aussi. Les critiques vous comparent souvent à des groupes comme Carquois et Dumas. C'est des noms qui reviennent souvent quand on parle de vous. Est-ce que vous essayez de vous distancer des étiquettes qu'on peut vous accoler ou plutôt ça vous fait plaisir d'être comparé à ces groupes-là? Non, mais c'est ça. C'est sûr qu'on reconnaît qu'il y a certains... On s'inscrit dans cette lignée-là de la pop québécoise, mais nécessairement, quand tu fais... une pop un peu planante au Québec, c'est sûr que tu vas te comparer à ceux qui occupent le top de la scène, là, nécessairement. C'est que c'est un petit marché, puis y a plusieurs aspects qui peuvent expliquer ces comparaisons-là, que nous autres, on trouve très, très... C'est des excellents bands, d'ailleurs, tu sais, on est flattés. Quoi qu'on trouve des différences, là, nécessairement, avec ça, là. Mais, non, mais je te dirais que ça nous flatte, en gros, là, tu sais, c'est juste que... Aussi, je pense qu'on a de plus en plus notre son, là, aussi. Vous avez enregistré vos deux premiers CD à Trois-Rivières, ici, au studio Radicard. On voulait savoir pourquoi avoir choisi Trois-Rivières et, après ça, pourquoi avoir choisi le studio Radicard en particulier. Donc, premièrement, le EP, on avait été attiré après l'écoute de Surface of Atlantic. On avait trouvé que ça sonnait. On s'est demandé d'où ça venait. Ça venait de chez Francis Perron, chez Radicard. Fait qu'on s'est dit, ben, Colin, on va aller essayer ça. On a fait le EP là. Puis on avait aimé la vibe, on avait aimé l'ambiance de travail, le fait qu'on n'était pas à Montréal aussi, c'est un bel aspect. Ça nous enlevait de la tête, genre les considérations quotidiennes. Fait que là, cet hiver, on a passé de janvier à mars à taper à temps plein, à Trois-Rivières. On a vécu là 3 mois. Maintenant que l'album est lancé, qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour cet automne? Bon, on a des dates à gauche, à droite. Il y en a qui se rajoutent à chaque semaine, là, grosso modo. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment c'est tourner, là. C'est faire de la scène. On s'en va, cet automne, on s'en va à des places aussi éloignées que l'Abitibi, que Québec, les cantons de l'Est, là, c'est le fun, c'est ça qu'on voulait. Puis tout en continuant de composer, parce que c'est ça qui nous garde heureux finalement. Quoi qu'on adore la scène, là, mais c'est complémentaire. Tu peux pas avoir un sans l'autre. Il faut qu'on ait les deux. Ah, ok, donc vous travaillez déjà sur un nouvel album. Est-ce que le son de cet album-là va être dans la continuité du Bonheur en 3D? Cette direction-là, je te dirais, ben à date, il n'y a pas beaucoup de chansons et ça veut pas dire qu'ils vont être sur cet album-là. Mais je pense qu'on veut aller dans. On veut approfondir l'aspect groove. Aller vers de quoi d'encore plus dansant. À date, c'est ce qui se profile, là. Je peux rien dire de plus. Et si les gens aiment votre son, où est-ce qu'ils peuvent se renseigner sur Elephantine? Oui, on a un site, en fait, c'est une landing page, comme on dit, elephantine.ca, qui mène à nos sites MySpace et Facebook, où vous pouvez écouter des 4 chansons issues de l'album et voir nos dates de spectacle, etc. Et est-ce qu'il y a des dates de prévues pour Trois-Rivières? Trois-Rivières, non, pas encore. Ça devrait venir. On a, pour ceux qui sont ou qui voudraient aller à Québec, le 17 septembre, le lancement de la programmation de Chiz au Cercle avec Mono Grenade. OK. Excellent groupe d'ailleurs. Oui. Qui est sur vos palmarès, si je ne me trompe pas. Mais dans le coin, c'est pas mal ça. C'était l'entrevue que Kiwan et moi avons fait avec la formation Elephantine très récemment dans les bureaux C'est Fou. Oui, Mono Grenade ne sont pas encore sur nos palmarès, mais je le souhaite beaucoup. J'en fais souvent jouer à la dernière porte à gauche. Bon, et ça va continuer ici à Assemblage Requis maintenant. Hein? Ben oui, certainement. Puis on va vous tenir au courant. Là, aussitôt que Elephantine seront de passage dans le coin ici. On va aller s'écouter une petite pièce d'Elephantine, celle qui est sur le palmarès francophone. Elle s'appelle Une clope, un café. Et après ça, restez là. Parce que c'est la chronique de Simon Fitzbé. Un café, c'est parti pour la journée. Une clope, un café du groupe Éléphantine. Et on vous rappelle que l'entrevue qu'on vous a présentée il y a quelques minutes va être disponible bientôt en balado-diffusion sur le www.cestfou.ca. Tout à fait. Vous êtes toujours à Assemblage Requis avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Et vous savez, tous les jours, toutes les semaines, on a une ribambelle de chroniqueur. Non, mais c'est vrai, une ribambelle. Une ribambelle. Ça s'applique, je pense. Et Simon Fitzbé, on est très, très heureux de le recevoir pour sa chronique Paul is Dead. Bonjour. Bonjour, bonjour. Salut, Simon. Bonjour, bonjour les Hirondelles. Oui, ça va bien, toi? Très bien, merci. Cette chanson-là me revient tout le temps. C'est tellement typique au rock. Hein? Bonjour, bonjour les Hirondelles. T'as une chanson thème, je vais la mettre. Je pense que ce serait là qu'on la mettrait. Hein? Oui, ça serait une bonne idée. Ce serait une bonne idée. Ce serait une très, très bonne idée de ma part. Ça sonne. C'est super, ça. Le thème de Doctor Who, version années 80. Que de souvenirs de différentes chaînes nerd. Ouais, exactement, exactement. Je me cherchais quelque chose un peu de mystique, vu que je vais parler un peu des légendes urbaines, de morts, de gens qui seraient pas morts finalement, que... Je me suis dit pourquoi pas. J'ai essayé Twilight Zone, mais il y a quelqu'un qui parle tout le long dans le thème. Je me suis dit ça valait pas la peine vraiment. Moi, le ça... monde qui parle. Ah non, moi j'aime pas ça. Non. C'est... Moi non plus. Mais bon choix, puis très bon sujet de chronique. Là, ça va être vraiment spécial. Ben, j'espère en tout cas que les gens vont apprécier ce que je fais. Là, vraiment, c'est parce que le rock and roll, c'est le style de musique qui regorge de plein de rumeurs. N'importe quelle sorte de rumeurs, vraiment des plus farfelues ou plus crédibles. Enfin, il y a des gens qui vont. Qui bûche là-dessus, qui essaie de trouver des indices, des choses, des petites affaires qui font croire aux gens que, mettons, Elvis est encore en vie, mm-hmm. que Kurt Cobain s'est pas suicidé ou qu'il s'est fait tuer par quelqu'un, que Mama Cass, la chanteuse des Mamas and the Papas, s'est étouffée en mangeant un sandwich au jambon et que c'est comme ça qu'elle est morte, chose qui est pas vraie en passant. Mm-hmm. Tout ce que je viens de dire, en fait. Ah, et, tu nous voles des punchs pour tes prochaines chroniques. Ouais, c'est mais... ça. Ben, c'est justement, ça va être un peu ça tout au long de la session, mais je vais aussi me diversifier dans des petites affaires un peu connexes à ça. C'est comme les grandes batailles, les grandes chicanes dans le rock and roll, mettons, comme Paul McCartney et John Lennon, ils ont une grosse période, c'est qu'ils se sont chicanés, ils se parlaient pas, sauf en chanson. Je vais essayer de couvrir ça un peu, les plus grands conflits au niveau du rock. Donc, c'est ça, la chronique se nomme Paul is Dead pour une très simple raison, c'est que la première chronique de la saison, ça va être sur la supposée mort de Paul McCartney. Mesdames, messieurs, Paul McCartney est mort. Je sais pas si vous le saviez. Ouais, ça prendrait tu vois une petite musique de breaking news ou non? Ah, on n'a pas ça. J'aurais dû penser à ça. Je vais me faire une banque de données de pièces. Donc c'est ça, Paul, il serait mort. Enfin, c'est ce que les fans ont cru, puis il y en a qui croient encore ça dur comme fer aujourd'hui. L'Internet regorge de rumeurs. Et en fait, elle a originé. À l'origine, elle est partie d'un étudiant à l'université d'Ernest au Michigan. Le 12 octobre 1969, il a convaincu un animateur radio d'écouter la pièce Revolution 9 sur l'album blanc des Beatles, le deuxième disque, deuxième côté, de l'écouter à l'envers. Et on peut entendre les mots lugubres « Turn me on, dead man », ainsi que d'autres petits extraits sonores qui font croire que Paul est mort. Donc, je vais vous raconter tout de suite un peu cette légende-là, comment il se serait arrivé cet accident, comment qu'il serait mort. Donc, ça serait arrivé le matin du 9 novembre 1966, un mercredi. Les Beatles étaient en pleine session d'enregistrement de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band et avaient d'autres contrats à honorer, dont ils devaient faire deux albums dans l'année 1966-67. Et donc, ils avaient décidé de faire un album de pas de reprise, mais un best-of, donc pour couvrir ça. Mais Sgt. Pepper prenait extrêmement de temps et Paul McCartney reconnaît comme étant un perfectionniste. Il veut tout le temps que tout soit parfait dans les albums, alors que les autres, donc, voulaient laisser place un peu à la folie. Donc, il travaillait jour et nuit. Et vraiment, c'est le cas de le dire littéralement, puisque la session d'enregistrement du 8 novembre 1966 s'est terminée à 4h30 du matin. Et les autres étaient vraiment tannés, justement, de ce professionnalisme de Paul. Donc, ils se sont chicanés, les quatre Beatles. En fait, les trois, John, George et Ringo, contre Paul. Et Paul était très fâché. Donc, il est parti dans sa voiture et sous la pluie. Il avait commencé à mouiller vers 5h du matin. C'est très, très précis comme, oui, comme légende. Hein? Donc... alors qu'il partait de chez eux, qu'il partait du studio Abbey Road pour aller vers chez lui, il a rencontré une dame sous la pluie, une jeune femme, et lui a offert donc de lui faire un lift en bon français parce que donc il mouillait beaucoup et elle était trempée. Donc la jeune femme se nomme toujours en fait Rita. Donc, il faisait noir. Elle n'a pas reconnu tout de suite la personne qui, avec qui elle embarquait, mais elle a quand même accepté. Donc, il est peut-être un petit peu nounoun, là, de ne pas remarquer qui c'est qu'elle... Ouais. Il y avait des bonbons. Ouais, il y avait des bonbons, exactement. Mais donc, elle s'est rendue compte, en fait, plus tard, que c'était Paul McCartney. Après une coupe de coin de rue, avec les petites lumières, la lumière commençait à monter. Et elle est devenue hystérique. Vous savez, les Beatles maniaques, comment ils étaient, les femmes qui perdaient connaissance, qui étaient vraiment folles. Oui, exactement. Elle a commencé à essayer d'arracher les vêtements à Paul. Et ce qui a fait qu'il a manqué la lumière à une intersection. Il s'est fait rentrer dedans par une voiture jaune. C'est vraiment précis. C'était pas un sous-marin jaune. Non, exactement. Une voiture jaune. Ça aurait pu. T'sais. Mais en fait, on va revenir là-dessus. Donc, il s'est fait rentrer dedans par une voiture et est allé frapper un poteau de téléphone pour finalement finir dans un mur. Et la voiture était virée bout en bout. Rita a réussi à sortir, mais Paul, malheureusement, ses mains étaient dans l'impossibilité d'ouvrir la porte et la porte était coincée. Donc, la voiture a commencé à prendre en feu. Et les gens, donc, se sont attroupés autour de la voiture en feu et essayaient de sortir la personne qui était là sans nécessairement le reconnaître à cause des flammes. Et il avait commencé à brûler déjà. Mmh. La voiture a explosé, ce qui a causé une décapitation de Paul McCartney. Sa tête a été détachée de son corps et ses dents avaient disparu. Donc, il n'y avait aucun moyen de l'identifier lorsque c'est arrivé, seulement par la plaque de sa voiture. Donc, ils ont tout de suite, les autorités ont appelé Brian Epstein, qui était le gérant des Beatles, et lui ont expliqué le problème. Donc, il a dit, pas de problème, on va taire la rumeur. Il a donné des... il a soudoyé, en fait, tous les gens qui étaient là, les agents de police, les ambulanciers, ainsi que les badauds qui s'étaient retroupés pour, justement, que ça reste secret. Et donc, il a annoncé la nouvelle aux Beatles qui ont pensé qu'ils allaient se séparer. Et finalement, il y avait trop de contrats, trop de problèmes pour pouvoir se séparer. Ils ont décidé, donc, de rester ensemble et de trouver un remplaçant à Paul. Alors, pour trouver un remplaçant qui serait identique, parce que Paul était le Beatle cute. C'était lui qui était beau. C'est beaucoup de fans, de jeunes filles, en fait, trippaient plus sur Paul que les Beatles en général. Donc, on a décidé d'organiser un concours de sosie, non seulement physique, mais sonore. Alors, ça serait un Ontarien nommé William Campbell, qui était membre de la police provinciale de l'Ontario, qui aurait été sélectionné pour remplacer Paul après avoir gagné le concours. Il ressemblait pas nécessairement totalement à Paul. Donc, il y a eu quelques petites interventions chirurgicales au visage. Et donc, après ça, la ressemblance était parfaite. Oui. Le problème aussi, c'est que c'était un Ontarien. Il n'avait pas donc, l'accent liverpoolien. Mais il a quand même suivi donc des cours, entre autres, et aussi une genre de session intense avec des Liverpooliens pour vraiment prendre l'accent. Dernier problème qu'il avait, c'est qu'il était droitier et Paul McCartney était gaucher. Ben oui. Donc, il n'y avait pas de problème. Lorsqu'ils étaient en studio, ils pouvaient quand même jouer de la basse du côté gauche. Ils jouaient déjà de la basse en passant. Donc, là-dessus, il n'y avait aucun problème. Mais lorsqu'ils étaient devant les gens, en public ou quelque chose, filmer une vidéo, il fallait qu'il soit à gauche. Ça, c'était pas vraiment un problème puisqu'on enregistrait la track de basse et on la faisait jouer par-dessus l'image. Donc, c'est un peu ce qu'est la rumeur, en fait. Donc, Paul McCartney est mort le 9 novembre 1966 et a été remplacé par William Campbell. J'avoue que c'est beaucoup plus facile comme ça, tu sais, parce que, tu sais, on sait que quand les gens meurent, tu dis aux gens, la personne est morte, tu sais, il y a Michael Jackson, sa carrière est finie, maintenant ça marche plus du tout, parce que là, ils ont dit qu'il était mort, c'est fini. Ouais, c'est ça, mais s'il aurait pu prendre un des millions de sosies de Michael Jackson, le remplacer, ça aurait peut-être passé inaperçu quand même, c'est vraiment... Peut-être. C'est vraiment spécial. Mais on va revenir sur Michael Jackson dans la saison. Il commence déjà à des rumeurs. Je vais essayer de. Paul McCartney, je pense qu'ils ont fait un film là-dessus, un Weekend chez Bernie. Ouais, c'est exactement. Ils l'ont attaché avec des cordes. Donc, c'est ça. Là, je vais me diriger plutôt vers les preuves. En fait, les Beatles auraient laissé des preuves que Paul est décédé. Des indices aux fans, entre autres dans les pochettes d'albums, dans certaines performances sur film, ainsi que dans les chansons. On va revenir aux chansons un peu plus tard. Je vais vous parler tout de suite des pochettes d'albums rapidement, parce qu'on n'a pas de support visuel. Ça vaut pas vraiment la peine de s'éterniser là-dessus. Par contre, sur la pochette de Sgt. Pepper's, pour quelqu'un qui peut l'avoir, je vous en ai amené une copie d'ailleurs, si vous voulez la regarder. On va mettre le lien sur le site de l'émission assemblagerequis.com. Oui, on va mettre des photos plus tard. Donc, c'est ça. Sur la pochette, rapidement, vous avez les quatre Beatles qui sont centrales avec plein d'autres personnages de carton un peu au-dessus qui symbolisent une foule. Et ils sont tous habillés donc en habits colorés. Sauf que dans leurs mains, ils tiennent tous un instrument de cuivre, sauf Paul McCartney qui tient un instrument de bois. Et dans certaines traditions religieuses, le bois signifie la mort. Donc, Paul serait mort. Oui. Et en même temps, si vous regardez le corps anglais qu'il tient, c'est un instrument de bois, il le tient seulement avec trois doigts. Il y a seulement trois doigts qui paraissent, donc trois Beatles restants. Oui, et le gars, il y a juste trois doigts aussi. Exactement. C'est un c'est un, il y a un arrangement floral en bas, il est écrit des Beatles avec des instruments de musique et il y a une basse en fleurs qui est faite sous le bas, dans le bas de la pochette et... Une basse, habituellement, ça a quatre cordes, donc quatre Beatles, sauf que sur cette pochette-ci, il n'y a que trois cordes, donc ce qui ne signifierait que Paul est mort. Et des fleurs, t'as ça où d'habitude? Dans un arrangement funéraire. Quand quelqu'un meurt. Exactement. Oui. Tout fait, donc, il y a aussi la pochette de Abbey Road, pochette célèbre. C'est là, en fait, que vient la rumeur. Le fan des Beatles aurait, entre autres, cité la pochette d'Abbey Road comme étant la preuve que Paul était mort, puisque les quatre Beatles sont tous, ils marchent sur la rue, donc traversent la rue devant le studio Abbey Road, et Paul McCartney est nu-pied. Et dans les traditions funèbres de l'Inde, être nu-pied signifie être en deuil. Donc, Paul est en deuil, il est habillé de noir. John Lennon est habillé de blanc, donc ce qui signifierait comme l'officier, la personne donc, qui célèbre le décès, en fait, les funérailles. Et aussi, George Harrison est habillé en jeans, ce qui veut dire un peu comme le fossoyeur qui va mettre Paul en terre. Puis quand t'es nu-pied, ben, c'est que t'as froid au pied. Puis quand t'as froid au pied, t'es froid, donc t'es mort. Exactement, ouais, c'est ça. Et aussi, dernière affaire, justement, sur cette pochette, Paul fume une cigarette sur la photo, mais à la place de l'avoir à gauche, il la tient à la main droite. Mais Paul est gaucher, donc il est supposé avoir la cigarette sur sa main gauche, selon les fans. Et il y a aussi une plaque d'immatriculation où on peut lire les lettres LMW28IF. Et ça, selon les fans, toujours, ça veut dire Linda McCartney, la femme de Paul, weeps, est en deuil, widow, à l'âge de 28 ans, if, si, il était mort. Donc, voilà, c'est ce que les fans disent à propos des pochettes. Je vous ai emmené des extraits sonores. On a 9 extraits. J'espère qu'on aura le temps de toutes les présenter. On prend notre temps. Donc, on va y aller tout de suite avec la première extrait où on introduit, en fait, Billy Shears. Et c'est dans la première pièce de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Billy Shears, qui serait le surnom de William Campbell. Donc, voilà, Billy Shears qui serait William Campbell. Par contre, la grosse erreur qu'il y a autour de ça, c'est que le personnage de Billy Shears dans l'album de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band est tenu par Ringo Starr. Donc, ça n'a comme pas vraiment de sens. Mais en même temps, ça symbolise un gars qui ne chante pas d'habitude, qui chante. Donc, voilà. Deuxième extrait sonore de la pièce She's Leaving Home. On va l'écouter tout de suite et on va revenir après. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Donc on entend Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins, et c'est toujours tiré de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, chanté par Paul McCartney. Donc ce serait synonyme de l'heure de la mort de Paul McCartney alors que le jour se levait. C'est aussi les paroles qui, sur l'extérieur de la pochette, à l'arrière, où les paroles sont écrites, ce sont des paroles qui sont pointées par George Harrison, donc qui seraient signe de la date de la mort de Paul McCartney. Troisième extrait nous vient de la pièce A Day in a Life. C'est un peu plus long que ça, là. J'ai décidé de laisser le début aussi, mais bon, c'est une preuve très, très, très flagrante. Une très bonne pièce des Beatles, en passant. On va jouer au complet un jour. Ouais. Pourquoi pas? I just c'est là qu'on va entendre la preuve, la fameuse preuve. Voilà. Donc, John Lennon dirait tout simplement que Paul, sa tête explosée. Ouais, c'est exactement. Donc, bien sûr, ce sont encore ce que les fans stipulent. C'est pas des faits prouvés. Non, ils en disent beaucoup des choses, les fans. Hein? Oui, exactement. Ouais. Nouvel extrait tiré de la pièce I Am the Walrus. Et c'est Paul, John Lennon qui chante cette pièce. Donc, on va l'écouter tout de suite. Encore, on a le début, mais ça dure encore 30 secondes. Donc, I am he, as you are me, as you are... Enfin, donc, je suis lui. Mais je suis lui. Je suis lui. C'est tout simplement ce qu'il faut dire. Donc, c'est une pièce qui va être récurrente. On va voir par la suite un peu pourquoi. Mais je suis lui voudrait dire tout simplement que John Lennon a pris la place de Paul McCartney au niveau de l'écriture des chansons et des paroles. Maintenant, la pièce qui suit, c'est un extrait tiré de Glass Onion qui se retrouve sur l'album blanc. Voilà. Donc, dans cet extrait, en fait, si on se relie à I Am the Walrus qui était présenté avant, donc il disait qu'il était le Walrus, le c'est-à-dire le Morse, exactement. Et dans cette pièce, il dit en fait que le Morse était Paul. Et ça ramène aussi à la pochette de l'album Magical Mystery Tour où on retrouve I Am the Walrus, alors que Paul McCartney était bien en Morse. Mais est-ce que tu penses que les gars des Beatles, à un moment donné, ont commencé à réaliser ce que les gens disaient, puis ils ont comme commencé à jouer le jeu, puis oui, disaient, bon, ben, on va leur donner des exactement. Indices bidons. En fait, plusieurs disent que cette pièce-là, de Paul, où il dit, voilà un indice pour vous, c'est justement John Lennon qui se moque un peu de cette rumeur. Maintenant, la pièce Revolution 9, on a 4 extraits. Rapidement, on va faire jouer l'extrait normal, donc le début normal de la pièce, une pièce assez spéciale, donc on peut l'écouter. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9. Donc, on entend un homme répéter Number 9. C'est une pièce de John Lennon, une pièce très, très avant-gardiste, une pièce de nouvelle musique pour John Lennon sur l'album blanc. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reviré la pièce à l'envers, puisque c'est de là que la rumeur viendrait. Ah, et Satan, quelque part, là, il y a Satan. Ça aussi, ça va être une autre chronique qu'on va faire avec la musique satanique, parce qu'il y a effectivement des références à Satan dans cette pièce, selon les fans, bien sûr. Et on peut entendre, à la place de Number 9, c'est le même extrait que j'ai reviré à l'envers. On entend « Turn me on, dead man ». Oh, OK, je sais qu'on n'entend peut-être pas super fort ici. Le bouton ne va pas plus haut. Mais c'est un petit peu beaucoup tiré par les cheveux. Hein, c'est... Ah, mais quand même, si on ralentit vraiment, on peut entendre... Turn me on, dead man. J'ai déjà fait le test avec un ami, on disait number 9, mais avec des rythmes différents. On réussit à sortir avec quelque chose qui ressemblait pas mal. Ça ressemble plus à Turn me on, man. Ouais, c'est vrai. Mais si tu trouvais ça tiré par les cheveux, les deux prochains extraits, quand même, ça reste pas mal tiré par les cheveux. Donc le prochain, c'est tout simplement John Lennon qui dit rapidement Paul is dead parce qu'il s'est suicidé. Oh shit, je me suis trompé. Faut pas entendre justement, mais c'est vraiment là, faut être très attentif à cet extrait. Essayons d'entendre. C'était Paul is dead. Donc c'est vraiment là on peut dire c'est tiré par les cheveux là. tiré par plein de choses. Exactement. Et le dernier extrait, c'est ce qui est le plus plausible sur cette pièce-là, en fait. C'est ce qu'on appelle le car crash. C'est l'accident d'auto qui a été mis en son par John Lennon, mais qui a été viré dans la version originale. Je l'ai remis à l'endroit. Donc, on entend une voiture qui explose et des flammes. Et on entend très, très, très rapidement « Paul is doomed ». C'est-à-dire, donc, Paul est fini. Fini, hein, exactement. C'est... Donc, ouais. On peut écouter l'extrait, ce qui sera le dernier en passant. Ça fait penser. Donc voilà, c'était l'extrait. On entend les flammes de la voiture. Mais donc, ça serait, selon les fans, les preuves que les Beatles ont laissées dans les pièces. Il y en a d'autres, il y en a plein vraiment. Il y a des sites internet qui regorgent. D'ailleurs, j'enverrai des liens pour mettre sur le blog de site internet sur la mort de Paul McCartney. Maintenant, est-ce que c'est plausible? Ben, moi, pas je crois. Vraiment. Oui, ben, je crois, je suis vendu. Tu crois? C'est, ben, en fait, j'ai passé quand même une couple de semaines là, à surfer là-dessus, à aller voir toutes les preuves. Pis, c'est très intéressant. Oui, mais à un moment donné, c'est ça, tu te dis, ouais, peut-être que tu c'est vrai. Tu finis par douter. Hein? Ouais, tu finis par douter, mais après ça, on y repense. Puis peut-être qu'en 1969-70, on pouvait y croire. Mais là, Paul McCartney, c'est le Beatles qui a eu la plus belle, la plus grande carrière. Des dizaines et des dizaines d'albums. Donc... Est-ce qu'on peut vraiment croire ça? Moi, je dis que non. C'est une belle rumeur quand même. Ça peut. Ça, belle histoire, autant que l'homme a jamais marché sur la lune ou c'est les États-Unis qui a organisé le 11 septembre. Exactement, plein de conspirations. C'est vraiment intéressant à les lire. Ça peut combler les soirées de certains gens. Absolument. Creusez pas trop profond là, parce que vous allez vous perdre un peu là-dedans. Moi, je pense que je donnerais le défi aux gens. Donnez-nous n'importe quelle pièce des Beatles, de toute leur anthologie au complet. Donnez-moi ça. Je vais trouver un extrait puis je vais t'inventer une raison qui veut dire qu'il n'y a pas les vraiment morts. M'a trouvé ça, moi. C'est très possible. M'a tricoté quelque chose. Merci beaucoup, Simon Fitzbé. Ben, ça a fait plaisir. Hey, merci, c'était vraiment intéressant. Vraiment. Merci beaucoup. Un beau moment et on se retrouve la semaine prochaine. C'est toujours les mardis vers les 16h20. Exactement. Pour une autre chronique, Paul is Dead, c'était Simon Fitzbé et on plug ton émission. Hein? Ah oui, je recommence Krautrock probablement la semaine prochaine. Très bientôt, en fait. Pour la saison, ça va être Krautrock ainsi qu'une émission surprise dont je n'ai pas encore trouvé le titre qui sera à la suite de Krautrock. Donc, les lundis soirs de 20h à 22h, vous pourrez m'entendre sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Parfait, Simon. On surveille ça. Toujours aussi intéressant ce que tu nous amènes, Simon. Merci. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Kiwan. Oui. Au revoir. Bye. C'est comme les invités genre au show du matin avec USTAV. Ils se lèvent debout avant la fin de la chronique. Ça. Ouais, Claude Poirier aussi. Claude Poirier qui va à Salut Bonjour le matin qui part devant la caméra. C'est n'importe quoi. Ou à LCN, le genre ancien premier ministre. C'est tout en drôle. C'est comme à chaque semaine, hein, tu manques jamais. Puis personne ne va y dire non plus. Hey, monsieur le premier ministre, restez donc assis. Vous êtes toujours avec Kiwan et Mathieu, Assemblage Requis. Oui, tout à fait. Et on continue ça. À 17h, reste une quinzaine de minutes environ. On va se passer de la bonne musique tout de suite. Oui, on va aller écouter Royal Arch avec la pièce. La pièce Buisson Ardent. Buisson Ardent, Buisson exactement. Ardent. C'est ça. Moi, je dis Buisson Ardent, c'est parce que Paul McCartney a foncé dans un sapin. Puis il a pris en feu. Il a pris en feu à cause du buisson. Ouais. Sorti de là. 17h, Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Jouer la pièce Black Ice, c'est une nouvelle entrée sur le palmarès anglophone. Palmarès que vous pouvez synthétiser les vendredis soirs de 17h à 20h ici même à C'est fou, c'est Kiwan et moi qui animons ça. Vous pouvez aussi les consulter sur le www.cfou.ca. C'est vrai. Je regardais rapidement comme ça sur l'Internet, hein. Les nouveautés dans tout plein de domaines. Je trouvais que côté DVD puis télé, cette semaine, il n'y avait pas grand-chose, à part peut-être le documentaire Terre, dont on a beaucoup parlé il y a quelques mois, il sort enfin sur DVD. Sinon, ce qui m'a le plus intéressé cette semaine, parce que c'est mon domaine quand même, les nouveaux jeux vidéo de cette semaine, Il y a un nouveau Guitar Hero 5 qui sort. Vous avez certainement vu les publicités de ça. C'est pas mal la grosse affaire. C'était assez attendu, mettons. Assez, avec plein de nouvelles options dont je m'étendrai pas là-dessus, mais il y en a beaucoup. C'est sur PlayStation 3, Xbox 360, Wii et PlayStation 2. Sinon, regardons un petit peu, déroulons la liste de choses intéressantes. Sur PS3, le nouveau NBA 2K10 Draft Combine. Vous pouvez créer votre propre joueur et jouer votre partie. Hein? Jeu de pêche sur la Wii, je sais que ça intéresse des gens. Le nouveau Real Fishing Angler's Dream. C'est une semaine relativement calme. Il y a un jeu de un shooter à la première personne qui sort sur PC, c'est Section 8. Si ça vous intéresse, je vais mettre le lien vers les nouveautés sur assemblagerequis.com. C'est déjà presque la fin de l'émission de cette semaine, Monkey Wine. Ben oui, de cette semaine d'aujourd'hui. Mathieu. Hein? Hey, je suis tellement habitué de dire de cette semaine. Hein? On est habitué avec les émissions hebdomadaires, mais non, on se retrouve demain. Oui, on se retrouve demain et il n'y a pas juste nous qui vous retrouverons demain. En fait, on va se retrouver tantôt pour le message de la fin, mais on va quand même plugger les émissions qu'il y a. Ailleurs, j'ai une note spéciale qu'on vient de m'envoyer. À l'émission La pilule du lendemain, demain matin à 8h30. Environ. Oui. Marc Perrière et Sylvain Blais vont recevoir, je crois que ça va être juste Marc Perrière rendu à cette heure-là, mais c'est Joanie Potier et Monsieur de Montigny qui est directeur général de la STTR. Ils vont parler du nouveau plan de tarifs réduits pour les étudiants de l'UQTR. Donc, si vous étudiez à l'UQTR, vous allez payer votre passe d'autobus moins cher. Et ça, c'est une grosse nouvelle. Ils vont en parler en détail demain à 8h30 à la pilule du lendemain. C'est bien, hein? Après ça, il y a une autre plug à faire. Pour l'émission Le Dîner de Con, qui est de 11h à 13h. Exactement, avec Danny Janvier et André Junior Baudet. Et puis, ils vont recevoir Vincent Vallière la semaine prochaine, donc soyez-y. Oui, mardi prochain, le 8. Et aussi, tant qu'à faire des annonces comme ça, on peut aussi vous dire que mardi prochain, nous, on reçoit Pépé et sa guitare ici en entrevue et prestation. Et que c'est donc le fun, les choses qui se passent assez fou cet automne. On aime ça. On va avoir hâte beaucoup à mardi prochain, mais on se retrouve quand même demain. Demain. Pour l'instant, voici en musique The Sound of Sea Animals. Et la pièce Fractions of Fiction. Bon, le temps de revenir pour se dire bye-bye tantôt. OK, restez là. On se dit pas bye-bye tout de suite d'abord. Pas tout de suite. Moi, je veux faire durer le plaisir jusqu'à la fin. C'est... Every day your voice my soundtrack as I lay my eyes upon a fiction that I wrote. Well, it's a fraction of a fiction. About you, about what I feel. Sound of Sea Animal, le projet d'Étienne Chan Can avec la pièce Fractions of Fictions. Et c'est ce qui termine l'émission pour vrai, là. Oui, pour aujourd'hui, parce qu'on est de retour demain, toujours de 15h à 17h. Demain, encore une fois, plein de choses dans l'émission. Oui, encore une chronique technologique CNX. Et en plus, on va recevoir François Landry pour sa chronique politique. On va parler des élections qui vont peut-être avoir lieu au Canada. Au fédéral, exactement. Au fédéral. C'est demain à Assemblage Requis. Sinon, on vous rappelle d'écouter la pilule du lendemain. Demain, entre 7h et 9h, il va y avoir une discussion sur les tarifs réduits pour les étudiants de l'UQTR. On parle d'autobus, donc. Et puis, le dîner de con est à 11h. Nous, à 15h. Vous, partout. Hein? Vous êtes partout, vous autres. Vous êtes comme... non, pas comme Dieu. Vous êtes chez vous, en tout cas. Oui, c'est ça. Vous êtes en bonne compagnie. Nous autres, on est ici, puis on se retrouve demain. Bye, bye. Bye, bye, bye tout le monde. Bonne soirée.